On va parler avec un gars que ça fait longtemps que j'ai pas jasé. Je veux savoir un peu comment ça s'est passé la vie depuis qu'il a été repêché par les Capitals de Washington le mois dernier. C'est Hendrix Lapierre-Desaulniers. Salut Hendrix. Salut. Hendrix, d'abord, comment ça se passe la vie actuellement avec pas de hockey, même pas de saison jusqu'à maintenant. On sait pas quand est-ce qu'on va recommencer. Ça doit pas être évident à garder le focus, hein? C'est difficile à dire. T'sais, dans un sens, c'est quand même facile de garder le focus parce que bon, si on a eu une petite déception, on n'a pas pu finir la saison, donc on a vraiment faim et on veut revenir en force, donc on travaille fort par rapport à ça, mais c'est sûr que de ne pas savoir quand on joue puis toutes ces affaires-là, c'est un peu difficile là, comme situation, c'est plate un peu, on n'est pas habitué à ça, mais je pense qu'il faut pas trop se décourager avec ça, mais ça va bien, le moral est bon, on essaie de garder l'esprit de compétition justement dans les pratiques, puis tout. Donc, je pense que ça va relativement bien jusqu'à maintenant. Moi, j'aimerais savoir, évidemment, Hendrix, qu'est-ce que Yannick Jean fait pour garder. Est-ce qu'il organise des matchs hors concours, des matchs pré-saison, pas des matchs pré-saison, mais des matchs intra-équipe, évidemment? On a fait un tournoi à bout de souffle il y a quelques semaines. On a eu des pratiques Small Area Games, des pratiques en espace restreint pour justement s'habituer à continuer de protéger la rondelle, des enfants comme ça, mais on n'a pas eu de match intra-équipe ou quoi que ce soit. Là, on a joué quand même mardi passé contre Rimouski, on avait joué 2 semaines avant, donc c'est juste en ça qu'on a pratiqué. Là. Comment t'as vécu ton repêchage avec les Capitals de Washington? Ben c'est sûr que c'était plaisant. Je pense que c'est Ouais, hein? une très belle journée. J'attendais ça depuis longtemps. Puis j'ai travaillé très fort pour me rendre là. Donc c'était vraiment c'est le début d'une belle aventure, je pense. Mais j'étais très content d'habiter à Washington, c'est sûr. Le fait de pas avoir été de pas avoir été d'avoir été un repêchage virtuel, ça doit être un peu spécial pareil, hein. Tu sais, on vit ça Ouais, mais. une fois dans une vie d'avoir été repêché de la Ligue nationale, dans les estrades. Moi j'étais là quand tu as été repêché par les Saguenayens, donc et là c'est x10 parce que c'est la Ligue nationale, ça doit être un peu plate, vu qu'on vit ça dans une vie. Ouais, ben c'était pas tant plat, je pense que les Saguenay ont fait un travail incroyable pour que ce soit une vraiment belle journée pour moi et pour ma famille. J'ai eu la chance de vivre ça avec mes autres coéquipiers. Puis comme j'ai dit, les Sags ont fait un setup absolument incroyable dans le centre Georges Vézina en haut. Donc pour de vrai, j'étais vraiment content. J'ai eu la chance de vivre ça avec du beau monde. C'était une belle soirée. Dawson Mercer, un de mes coéquipiers, était repêché aussi. Donc c'était vraiment une belle soirée. Puis malgré le fait que c'était virtuel, là, je pense que je vais m'en rappeler pour le restant de ma vie, c'est sûr. Puis c'était le fun au bout. Évidemment, avec toute la quarantaine, toute la COVID, t'as pas été capable de te rendre à Washington voir les installations, j'imagine. Non, exactement. J'ai aucune idée de ce qui va arriver par rapport à ça. J'ai aucune nouvelle, puis j'ai rien pu faire par rapport à cette situation-là. Es-tu déçu que le Canadien soit pas. T'as pas été repêché par le Canadien? Non, non, ben, tu sais, je pense que le Canadien, c'est une équipe comme une autre. C'est sûr Ouais. que, justement, c'est au Québec un peu, mais j'avais une chance sur 31 d'aboutir dans toutes les équipes pas mal, si on rentre pas dans les statistiques avancées, là. Puis je pense que Washington, c'était vraiment parfait aussi. C'est sûr que Montréal, ça aurait été spécial, mais toutes les équipes, ça aurait été spécial. Donc, là, on choisit un autre joueur, puis c'est vraiment correct comme ça. Là, j'imagine que, écoute, normalement, tu aurais été repêché dans le top 10, je me rappelle. On voyait beaucoup avant tout ce qui est arrivé l'année passée. Ça a dû être un soulagement de voir que c'était pas une histoire de commotion cérébrale, tout ce qui a manqué l'année passée. Parce que quand on commence à jouer dans les commotions cérébrales, ça commence à t'inquiéter pour la suite de ta carrière. Ça devait être un méchant soulagement. Oui, absolument. Ben, je pense qu'on a vraiment pris le temps nécessaire pour faire sûr que justement tout soit fait de la bonne façon. Tu sais, j'avais pas joué pendant 10 mois, 10 mois et demi. Donc, je pense qu'on a bien fait ça. Puis ça a permis que je revienne au jeu en forme. Puis, justement, faut que je continue à travailler fort, je pense. Ok. Dis-moi, le championnat du monde de hockey junior, comment tu vois? Ben, c'est sûr que je vais arriver là-bas avec la mentalité de faire l'équipe, d'aider l'équipe à gagner. Je pense que il y a un groupe de très très bons joueurs, mais je veux prouver justement que j'ai ma place là, que je suis capable de travailler, je suis capable de jouer dans n'importe quel rôle, mais c'est sûr que je vois ça comme une très belle expérience, une belle opportunité, puis ça risque d'être très plaisant. La compétition risque d'être très élevée, hein? Ouais, ben c'est ça exactement. Il y a beaucoup de bons joueurs. Justement, vu que la Ligue nationale commence pas aussi, il y a quelques joueurs qui vont joindre au groupe qui sont peut-être habitués d'être dans un niveau plus haut, des affaires comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être, justement, ça va être, mais je pense que ça va être une bonne compétition, puis voir un bon challenge pour justement pour les joueurs, pour faire l'équipe, des affaires comme ça. Ok. Ben, Hendrix, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est sûr que c'est pas évident pour un jeune comme toi de voir qu'il n'y a pas de hockey actuellement, de voir que normalement vous devriez jouer. On va te suivre au championnat du monde parce que, évidemment, tu devrais faire partie ou tu devrais à tout le moins avoir de bonnes chances de faire partie de l'équipe canadienne de hockey junior. Parfait, merci beaucoup, c'était gentil. Hendrix Lapierre, des Saguenay de Chouti.